De retour à Futur Simple, c'est François Riouard qui vous parle. Alors pour nous les humains, le soleil est cet astre qui brille dans le ciel depuis la nuit des temps, qui nous donne chaleur et lumière, qui a favorisé le développement de la vie sur Terre et dont tous les êtres vivants tirent directement ou indirectement leur énergie pour vivre. Mais qu'est-ce qu'on connaît réellement de cet astre qui fait l'objet d'une vaste mythologie dans le passé et que certaines civilisations ont considéré comme un dieu? Alors pour nous en parler, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonsoir François. Bonne année Jean-René. À vous pareillement et aux auditeurs. Oui, effectivement. Alors, le Soleil, c'est l'étoile de notre système solaire. Il représente 99,86% de la masse du système solaire. Jean-René, de quoi est-il constitué et sous quelle forme existe-t-il? Le Soleil, c'est une grosse boule de gaz, très chaud. Un gaz, donc c'est du gaz. C'est du gaz de part et d'autre. Et si vous aviez la possibilité de le faire, vous pourriez passer au travers sans rencontrer d'obstacles solide. Donc, c'est pas du solide, effectivement. Absolument. C'est une sphère de gaz très, très chaude qui est environ 300 000 fois plus massive que la Terre. Et okay. En fait, beaucoup plus que tout le reste des planètes. Et c'est quoi sa composition? Surtout de l'hydrogène. Surtout de l'hydrogène? Donc, chimiquement, donc assez simple. L'hydrogène qui est l'atome le plus simple, qui en fait 72% de la masse. Et le deuxième élément le plus important, c'est l'hélium. Donc, okay. Il y a des hélios, c'est-à-dire parce qu'on l'a découvert tout d'abord sur le Soleil. L'hélium, en majeure partie, produit du Big Bang et assez peu de la fusion des étoiles. Oui, parce que... Et le reste, ce sont les quelques pourcents de la masse restante sont tous les éléments qui nous sont beaucoup plus familiers, qui vont du carbone jusqu'à l'uranium. Mais qui sont en petite quantité. Et qui sont en petite quantité. Une planète comme Jupiter, par exemple, qui est capable de garder les gaz légers comme l'hélium et l'hydrogène en contient dans des fractions semblables au Soleil. Les petites planètes comme les planètes terrestres, la Terre, nous, on les a perdues parce que, à cause de la température qu'on a et de la faible force de gravité, ces gaz s'échappent facilement. En fait, l'hélium, parce qu'ils sont très, très légers, là. Produit par la radioactivité centrale dans la Terre, qui s'infiltre dans la croûte, mais on le perd tout le temps, l'hélium. Comme l'hydrogène aussi, qui... Exactement, oui. Qui monte, là, qui se perd. Okay. Mais le Soleil, en gros, si vous dites que le Soleil, c'est une grosse boule de gaz, essentiellement de l'hélium et de l'hydrogène, et c'est au centre que ça se passe. Effectivement, et comme on disait, c'est l'hydrogène qui est le carburant, en fait, le carburant nucléaire, si on peut parler. En effet, par la masse, le centre est chauffé initialement par contraction pour atteindre une température de plusieurs millions de degrés, ce qui finalement allume le carburant, qui est dans ce cas-ci l'hydrogène. Donc, 4 atomes d'hydrogène sont fusionnés pour produire un atome d'hélium. Dans la partie centrale qui est la plus chaude. Et cette énergie sort sous forme de rayons gamma et au fur et à mesure qu'elle se diffuse vers les couches extérieures, elle se transforme en rayonnement de plus basse énergie qui ressort à la surface sous forme de lumière et de chaleur. Notamment d'infrarouge. En fait, les lumière et d'infrarouge qu'on reçoit surtout. Ici sur Terre, c'est ça, effectivement. Et le Soleil est sphérique, j'imagine? Oui, presque. Le Soleil est en fait d'une sphéricité pratiquement parfaite, contrairement à la Terre, qui est un peu aplatie par les pôles. Le Soleil est en effet, et ça a une histoire un peu intéressante, parce que ça avait des conséquences assez importantes sur déterminer la structure interne du Soleil. Mais on sait, les mesures les plus précises indiquent que le Soleil est parfaitement sphérique. D'accord. Et évidemment, cette température est très élevée. J'imagine qu'elle varie d'une portion, en fait, d'une sphère le à l'autre. Le centre est très chaud. C'est le plus chaud, le poids j'imagine. Est, disons, environ à peu près 12 à 13 millions de degrés, suffisamment élevé pour produire une réaction nucléaire qui assure finalement cette constance en émission d'énergie, en luminosité sur des milliards d'années. Et comme je le disais plus tôt, la radiation, au fur et à mesure qu'elle se propage, en fait, se propage des couches qui sont de plus en plus froides. Et la surface du Soleil, qui n'est pas une surface solide, même si le bord nous apparaît assez bien défini. Oui, c'est vrai. Oui. La température est de l'ordre d'à peu près 5000, presque 6000 degrés en Celsius. Et à l'échelle de l'univers, en fait, notre Soleil est une étoile de quelle taille, on pourrait dire? Une On appelle le Soleil une étoile de taille moyenne. Okay. En effet, c'est une étoile qui fait partie, en fait, des étoiles dont le nombre de cette masse sont à peu près les plus nombreuses. Donc, on peut qualifier le Soleil d'une étoile ordinaire et une étoile qui est dans une phase aussi très stable due à la longueur et à la réserve importante d'hydrogène central. Donc, il y en a des plus grosses? Il y en a, oui, absolument. Il y en a, généralement, le nombre d'étoiles plus massives que le Soleil est proportionnellement beaucoup plus petit. Il y a très peu d'étoiles très massives. Il y a beaucoup d'étoiles de la masse comme celle du Soleil. Il y en a énormément plus d'une masse de la moitié de la masse du Soleil. Donc, les petits sont plus nombreux, les gros sont très peu nombreux. D'accord. Et à l'instar de la Terre, en fait, qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil, le Soleil, est-ce qu'il tourne autour de lui-même, puis aussi, est-ce qu'il se déplace dans l'univers, en fait? Le Soleil tourne autour de quelque chose? Oui, en fait, tout tourne dans l'univers. le Soleil tourne sur lui-même dans une période d'environ 27 jours, mais vu qu'il n'est pas solide, il y a une rotation différentielle, c'est-à-dire que c'est à l'équateur qu'il tourne le plus vite. Ah. Et à mesure qu'on se déplace vers les régions polaires du Soleil, qui sont encore très chaudes, ces couches se tournent sur une période de rotation complète du Soleil lui-même de l'ordre de 32 jours. OK. Donc, c'est assez particulier dans le cas du Soleil. Ça, c'est dû au fait qu'il n'est pas solide, en fait. En effet, et c'est pas tout à fait compris pourquoi ça se passe comme ça. Ah bon? OK. Ouais. OK, c'est intéressant, oui. Et sa translation, est-ce que le Soleil se déplace autour de quelque chose? Oui, le Soleil fait partie de la Voie lactée, en compagnie d'à peu près 200 milliards d'autres étoiles. Donc, on se déplace dans notre galaxie, qui est une galaxie de type spirale, plutôt aplatie comme une pizza. Et la majeure partie des étoiles se déplace en tournant autour d'un centre qu'on appelle le centre de la Voie lactée. Et on se déplace à une vitesse d'environ 250 km par seconde. OK. Oui, mais ce qui fait, à la distance d'environ 27 000 années-lumière qu'on est du centre, que ça prend à peu près 200 millions d'années pour faire un tour complet. Donc, l'année galactique est d'environ 200 millions d'années. OK. C'est vraiment beaucoup, là, à l'échelle humaine. Pour nous, à l'échelle humaine, oui, c'est très long. C'est ça. Et comme je le disais en ouverture d'émission, le Soleil n'a pas toujours été là, il ne sera pas toujours là. Alors, si on se penchait maintenant sur le cycle de vie du Soleil, quel est l'âge du Soleil et comment est-ce qu'il s'est formé à l'origine? Oui. Moi, ça me fascine toujours de regarder le lever du soleil ou le coucher. Oui. Surtout qu'il se fait à des heures maintenant qu'on observe facilement. Et il y a quelque chose d'intriguant parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, intuitivement, le soleil, c'est la chose la plus permanente qu'on puisse imaginer. Et moi, comme astrophysicien, je me dis, je vois le lever du soleil, en fait, qui est dû à la rotation de la Terre, évidemment. Mais ça me rappelle que le soleil n'a pas toujours été là. Et le Soleil ne sera pas toujours là, en fait. Et le Soleil, en astrophysique, ça a été un des grands défis de l'astrophysique du 20e siècle, d'établir son âge. On a commencé par déterminer, en fait, l'âge de la Terre. Ah, bon, et okay. La première technique pour établir l'âge du Soleil et du système solaire, c'est de trouver quels sont les indicateurs les plus vieux des constituants du système solaire. Donc, c'est l'âge des roches, en fait, l'âge des roches terrestres, l'âge des roches lunaires, l'âge des roches météoritiques, celles qui nous tombent dessus, qui viennent de quelque part dans le système solaire. Okay. Et la technique est une technique qui a été établie au début du 20e siècle par des géophysiciens. Et c'est d'utiliser des rapports d'éléments radioactifs mère-fille comme tel, un peu comme le carbone 14 qui se transforme en azote. Dans ce cas-ci, on utilise des éléments radioactifs qui ont des demi-vies très longues, de l'ordre de centaines de millions, même de milliards d'années. Okay. Il y a plusieurs paires qu'on utilise. Entre autres, une des mieux connues, c'est le rapport de certains isotopes de l'uranium qui est radioactif par rapport aux isotopes stables du plomb. Donc, au début, on peut dire qu'il n'y en a pas de plomb ou très peu. et il y a une certaine quantité d'uranium. Avec le temps, ce rapport se transforme. Il y a moins d'uranium, plus de plomb. Et on peut suivre, il y a des façons assez précises de prendre ces rapports et les convertir en âge. Et on arrive à un âge, pour les différentes roches que j'ai mentionnées, de l'ordre de 4,5-6 milliards d'années. Okay. Et on dit que, bon, on s'est formé tous en même temps. Le soleil a cet âge-là. On ne peut pas aller chercher des éléments lourds du soleil et faire la même chose qu'on peut faire aussi facilement sur Terre. La deuxième méthode, d'autre part, c'est finalement de prendre tous les principes de physique qu'on connaît et de construire une étoile, un modèle sur ordinateur. Ça se fait depuis longtemps. Et on peut, en quelque sorte, connaissant la dimension actuelle du Soleil, sa composition chimique détaillée, sa luminosité, on peut en quelque sorte déterminer quand le Soleil a commencé à briller et pour combien de temps il en a encore. Et on peut aussi faire le même travail avec d'autres étoiles et en comparant, on fait des portraits de famille. Et là encore, on arrive à un âge qui est à peu près 4 milliards et demi d'années. Donc, il y a pas une bonne convergence. Il y a une excellente convergence. Donc, le Soleil, si on avait été ici, il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années, ici, n'existait pas. C'est ça. Et en fait, à peu près à ce moment-là, le Soleil s'est formé à partir de la condensation d'un grand nuage moléculaire. Il s'est probablement formé à l'intérieur d'une famille de plusieurs étoiles, d'une centaine d'étoiles, qui constituait un amas d'étoiles. Et cet amas s'est dispersé. Assez rapidement, il y a 4 milliards et demi d'étoiles. Donc, nos sœurs stellaires, entre guillemets, existent quelque part dans la Voie lactée, mais on ne peut pas les reconnaître. OK. Et est-ce que c'est possible, justement, peut-être avec des modèles, de prévoir comment va évoluer l'activité du Soleil, sa brillance au cours de son existence, puis aussi combien d'années encore est-ce qu'il va exister? Environ 6 milliards d'années. Encore à venir? À venir, oui. Sauf qu'il va se passer des choses. Okay. La première chose, c'est que lentement, dans l'évolution du Soleil, sa luminosité augmente. C'est parce qu'il y a plus d'hélium au centre, puis il y a des choses qui se passent, et le Soleil devient plus lumineux. Ce qui va faire, par exemple, dans un milliard d'années, que, excluant tout réchauffement planétaire dû à l'effet de serre, que la température moyenne à la surface de la Terre va être de 100 degrés Celsius. Donc, les océans vont littéralement bouillir et s'évaporer. Donc, c'est dans un milliard d'années. À peu près un milliard d'années. Okay, donc, ça veut dire que c'est relativement loin, mais, mais le Soleil va être encore dans sa phase normale de combustion d'hydrogène. Mais la crise arrivera quand il n'y aura plus d'hydrogène à brûler au centre. Plus de carburant, finalement. Plus de carburant. Et ce qui se passe dans une étoile, c'est pas comme dans votre foyer où le feu s'éteint. Ouais, qu'est-ce qui Là, se passe? C'est ce qui se passe, c'est que tout le poids qui était supporté par la génération d'énergie au centre, l'étoile, les parties centrales, s'écrasent sur elles-mêmes. Ce faisant, augmente de beaucoup en température, suffisamment pour déclencher la réaction nucléaire de ce que la combustion d'hydrogène a produit, donc la combustion de l'hélium, qui va se convertir en carbone. En élément plus lourd, c'est ça? En trois héliums, carbone et aussi oxygène. Ce faisant, cette contraction centrale va être accompagnée, curieusement, d'une expansion de l'enveloppe externe pour devenir une géante rouge. Donc, l'étoile va gonfler pour englober les orbites de Mercure, de Vénus, peut-être la Terre. Okay. Mais on va se faire chauffer là, à bloc, probablement. On va se faire chauffer même avant, dans un milliard d'années. Mais suffisamment. C'est ça. Donc, ça, c'est dans 6 milliards d'années. OK. Donc, après, dans 6, le Soleil n'était pas là il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années. Et dans 6 milliards d'années, le Soleil sera encore là, mais probablement sous forme d'une étoile, de cadavre d'étoile qu'on appelle une naine blanche. Ah bon, OK. Ça va être l'étape finale, effectivement, la naine blanche après la sous-géante. Ouais. Qui est un objet qui n'est plus vraiment une étoile. C'est un objet qui est de la grosseur de la Terre, qui est très chaud au début et qui est un peu, vous pouvez l'imaginer, comme constitué essentiellement de carbone et d'oxygène, d'oxygène, même de carbone qui peut être comme cristallisé, donc c'est comme un gros diamant en fait, tout rond, et qui a une température assez élevée au début, mais qui va se refroidir lentement, comme la pièce de métal que vous avez chauffée se refroidit. Il n'y a plus de réaction nucléaire et tout, et ça se fera pendant plusieurs dizaines de, peut-être même centaines de milliards d'années. Et est-ce que c'est ça qu'on va, est-ce qu'on va obtenir une naine noire à la fin? Non, une naine noire, on pourrait pas appeler. Okay. C'est quelque chose qui devient finalement froid. D'ailleurs, l'univers n'est pas assez vieux pour observer de tels objets et d'en connaître les propriétés. OK. Et il existe aussi un certain paradoxe qu'on appelle le paradoxe du soleil jeune. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Justement, parce que ce que je disais, le soleil au cours de sa vie augmente en température, en luminosité. Si on remonte vers le début, soleil était, comparativement aujourd'hui, un peu plus froid, entre guillemets, et son diamètre légèrement plus petit, de sorte que sa luminosité était 30 % plus faible qu'aujourd'hui. Et là, ce 30 % est assez intriguant parce qu'il résulterait à la Terre dans des conditions de température beaucoup plus froides que celles qu'on a aujourd'hui, au point où l'eau gèlerait. Les océans, en fait, gèleraient presque, peut-être pas complètement. Donc, la Terre, jeune Terre, aurait été congelée comme telle. Et ce qui est désarçonnant, c'est que on est sûr de ça à peu près parce qu'on observe beaucoup d'autres étoiles, etc. Mais la Terre, telle qu'on l'observe par la géologie, on trouve en fait l'évidence de présence d'eau liquide dans cette première période géologique qu'on appelle l'Hadéen, H-A-D-E accent aigu E-N, Hadès, du nom, période très chaude, qui est la période géologique qui a précédé l'apparition de la vie sur Terre, donc dans les premiers 500 millions d'années à peu près. Et la température n'était pas de moins 20, moins 40 en moyenne, mais la température, on a des évidences géologiques que la température était de l'ordre de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Donc l'eau était solide. 40 degrés, 50. Ah oui, et il faisait chaud. Donc on invoque tout de suite. Est-ce que le volcanisme était important? Qu'il y avait des super effets de gaz à effet de serre? La radioactivité? Peut-être pas la radioactivité, mais il faisait chaud, alors que le soleil nous réchauffait très peu, encore moins qu'aujourd'hui. Tiens, c'est étonnant. Alors, ça n'a pas été élucidé, ça, en fait. Non, c'est une intrigue. D'ailleurs, j'ai assisté à un débat, un atelier il y a quelques années à Baltimore que j'avais trouvé absolument fascinant. On emmenait astrophysiciens et géologues ensemble et tout le monde était assez d'accord pour que c'était une grande intrigue. Intéressant. Et en fait, on sait aussi que pour les anciens Égyptiens, le soleil était un dieu, représentait un dieu. Oui, c'était le dieu Ra, R-A, accent circonflexe, et le soleil était très important. Et pour dans la légende principale, le sujet des Égyptiens, le soleil était nouveau chaque matin. Il naissait, atteignait sa maturité à midi, lorsqu'il tout resplendissant, et vers l'après-midi et le soir, il vieillissait, rougissait, et là, il entrait dans le domaine du serpent Apep, qui littéralement le dévorait, pour redonner naissance à un nouveau soleil chaque matin. J'aime beaucoup chaque matin, cette image, la renaissance d'un soleil. Et évidemment, il y a un pharaon qui a rétabli un culte du soleil très important, d'ailleurs, qui est peut-être une des premières religions monothéistes. Donc, c'est Akhenaton qui est un pharaon très connu. Donc, la présence du soleil a été importante. Aussi, on voit dans certaines civilisations de l'Amérique centrale que le soleil joue un rôle très important comme divinité, comme déité. Il nous reste quelques instants. On a peut-être le temps de parler un peu des manifestations, en fait, de l'activité solaire. On sait qu'il y a des taches solaires sur le soleil, il y a des éruptions solaires et aussi le soleil a un champ magnétique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des trois? Donc, j'ai mentionné plutôt que le soleil avait cette rotation différentielle. Ça tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, dans les régions. Donc, le soleil est un gaz, et ce gaz est très chaud. Donc, ce gaz, en fait, devient en quelque sorte électrifié. Les atomes ne sont pas neutres. À cause de la température, les atomes ont perdu leurs électrons. Donc, ce gaz est bouge en fait comme un courant électrique. Ah. Donc, et quand c'est un principe de physique de base, tout courant électrique s'associe à un champ magnétique. Donc, ce jeu de rotation différentielle auquel se superpose le bouillonnement des bulles de gaz chaud qui montent et descendent à la surface vont créer des espèces de courants électriques complexes et, dans certains cas, vont arriver à concentrer ce champ magnétique que le gaz en circulation produit et produire des ondes de champ magnétique extrêmement fortes qu'on voit sous forme de taches solaires. Ah. Donc, zones, on appelle taches parce qu'elles nous apparaissent plus sombres que le soleil. C'est vrai, oui. Parfois, elles donnent en contraste, comme si elles étaient très noires, mais en fait, leur température reste élevée. Je parlais d'une température de l'ordre de 6000 degrés Celsius. La température du soleil au niveau des taches est de l'ordre plutôt de 5000 degrés. Donc, la couleur n'est pas vraiment foncée, c'est la couleur rouge un peu d'une étoile rougeâtre que vous pouvez voir dans le ciel, comme Bételgeuse ostensinant Orion. Donc, ce sont des ondes où le champ magnétique est de l'ordre de quelques milliers de fois celui, par exemple, de la Terre. Okay. Et où il peut se passer des phénomènes éruptifs très importants, genre de court-circuit, encore une fois, associés à cette circulation complexe du gaz ionisé qui produit courant et électrique et champ magnétique variable. Et pour terminer, les éruptions solaires, elles, c'est la matière ou c'est des... En fait, l'éruption est associée à beaucoup de choses. Imaginez-le comme un court-circuit, mais auquel va être associé le déplacement de masse de gaz très importante. Donc, on va parler d'éruption solaire. Une grande partie du gaz retombe sur la surface du Soleil en suivant les lignes de champ magnétique, un peu comme les lignes tracées par un aimant avec la limaille de fer. Mais dans les cas les plus violents, le gaz, cette masse, va être éjectée dans l'espace interplanétaire et nous arriver dessus en enfonçant en quelque sorte le mur du champ magnétique terrestre et produire ces effets nombreux, qui est d'abord la génération de courant électrique très important dans la croûte terrestre et dans le ciel, la production d'aurore boréale, qui est le déchargement de particules énergétiques qui étaient dans le champ magnétique terrestre, mais qui sont perturbées par l'arrivée de cette onde de choc provenant d'une éruption solaire, par exemple. Est-ce que c'était ce qui s'est passé en mars 89, oui, quand il y a eu le gros blackout? Oui, en fait, ça se passe régulièrement, sauf qu'on protège des systèmes encore plus. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une tempête géomagnétique, c'est que c'est le champ magnétique terrestre qui se met à pulser et qui génère un courant électrique dans la croûte terrestre, un courant continu. Et en fait, ce courant essaie de se propager. La croûte, ça va assez bien, mais ce qui est mieux, c'est les lignes de transmission d'Hydro-Québec. Oui. Et ça peut perturber, étant que c'est un courant continu. Mais les systèmes, à l'heure actuelle, sont mieux protégés. On est mieux averti. Et la probabilité d'une faille aussi importante que celle que vous mentionnez est plus faible, mais elle n'est pas, en fait, inéluctable. C'est fascinant, Jean-René Roy. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. Alors, je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé à l'Université Laval. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et après quoi, nous recevrons Cyril Barrette qui va nous parler de l'évolution humaine.